Et après la chronique de Frédéric Pommier il y a 5 minutes, nous poursuivons l'évocation de la mémoire de Daniel Cordier. Vous le connaissiez bien, Jean Lebrun, compagnon de la Libération, français libre, puis après-guerre collectionneur d'art réputé. Cérémonie funèbre donc cet après-midi aux Invalides. Ce n'est pas ce que préférait Daniel Cordier. Oui, permettez-moi de penser au petit déjeuner joyeux sur la terrasse de sa villa de Juan-les-Pins. À lui qui aimait tant le soleil, il aura tout de même été épargné la sépulture au Mont Valérien, réservée à l'ultime compagnon, Daniel Cordier. Il aurait claqué des dents. Après la guerre, il s'était refusé à assister à toute cérémonie officielle, ne faisant exception qu'en 1964 pour monter la garde auprès de Moulin au Panthéon. Même, disait-il, je n'avais Dieu que pour le petit radiateur dissimulé derrière le pupitre qui réchauffait les pieds de Malraux pendant son discours. Cordier était resté un jeune homme facétieux. Pour sûr, ce jeune homme, échappé au catafalque recouvert de tricolore, va gambader cet après-midi aux Invalides, écoutant avec son meilleur sourire narquois Emmanuel Macron. Il est juste d'ailleurs de dire que de tous les présidents qu'il a connus, c'est peut-être celui qu'il a préféré. C'est qu'Emmanuel Macron est encore jeune et que Cordier n'appréciait rien tant que la jeunesse. Je retrouve des notes prises il y a près de 15 ans au retour d'un séjour chez lui. Elle commence par cette phrase à laquelle je n'avais pas pris garde à l'époque. « Regardez bien l'enlèvement des Sabines de Poussin, vous verrez un adolescent nouer ses sandales et vous vous souviendrez de moi. » Alors je me suis précipité un peu tard sur le catalogue de la dernière exposition Poussin. Nous avons même, Bruno, considéré ensemble le tableau. Exact. À gauche, Romulus qui a convoqué par traîtrise les Sabins. Au premier, au second plan, les Romains qui se saisissent de force de leurs épouses. Nul adolescent, peut-être au fond, là au pied des bâtiments de Rome en construction, non plus. Alors je me suis fait l'effet d'être Bergotte, vous savez, le personnage de Proust qui cherche le petit pan de mur jaune dissimulé par Vermeer. Cordier voulait sans doute dire qu'il était resté un adolescent d'autrefois, prêt à nouer ses sandales. Parlant des Français libres, il disait « J'ai voulu redonner vie à tous ces garçons qui firent face avec leur naïveté, leur pureté et la ferme volonté de ne pas chercher à conserver la vie par tous les moyens. » Alors l'adolescent, là, sans ses sandales, doit bien être dissimulé quelque part, car Daniel Cordier a été un maître en dissimulation, dites-vous. Longtemps, longtemps il l'a été, en effet. Il avait d'ailleurs conservé une écriture parfaitement illisible. À son époque, un jeune homosexuel devait dissimuler, avant même d'aimer. Ensuite, quand il a géré le travail quotidien de Jean Moulin, il lui fallait se garder à droite et à gauche. Un moment après la libération, il a œuvré au service d'espionnage du colonel Passy. Le SDEC a d'ailleurs pris soin d'adresser un faire-part de décès au carnet du Figaro d'hier. Néanmoins, la première fois qu'il avait vu Jean Moulin, en juillet 42, et qu'il ne lui avait pas caché son passé de jeune gandin d'extrême droite, il avait reçu une leçon décisive. Il avait parlé franchement, et en échange, Moulin, l'homme venu de la gauche, lui avait confié les clés de sa vie. Beaucoup plus tard, après 77, devenu son biographe, il avait serré d'au plus près les faits de l'époque, quitte à étrier les autres chefs de la résistance. La recherche d'un maximum de vérité, c'est la maxime de l'historien qu'il était devenu. Et peu à peu, Daniel Cordier en avait fait un véritable style de vie. Riche de ses collections d'œuvres d'art, recrue d'honneur, il ne craignait rien. Si, peut-être, les derniers chanceliers de l'Ordre de la Libération, qu'il ne voulait pas blesser en publiant trop tôt le volume de ses mémoires d'après 1945. Il y dira « Toutes les blessures qu'il a infligées à ceux qui l'ont aimé, mais si on l'aimait, et si je l'ai aimé, c'est justement parce qu'il était toujours prêt à exposer crûment ses erreurs en même temps qu'il cachait ses exploits. » À 15h30, l'hommage national dans la cour d'honneur des Invalides.